La haine et la peur de l'amour avec la paix, mais les deux se rejoignent comme le ciel et la terre. Là. Truc est sacré comme mon père et ma mère. Endosser ma peine, j'ai causé ma perte. Le truc est sacré comme mon père et ma mère. La haine et la peur de l'amour et de la paix, mais les deux se rejoignent comme le ciel et la terre. Incinez les je t'aime, les espoirs, les bonheurs, les malheurs, les prouesses. Le Seigneur que j'adore fait lever le soleil le matin et le soir le fait coucher à l'ouest. Les poumons se noircissent à chaque taf, l'estomac tapisseau et jacta. Je suis victime d'une relation bâtarde, ils m'ont réalisé comme à Bagdad. Je m'appliquais à chaque strophe, Jacques Brel, Shakespeare, Tupac, Nat Dogg, Larlar, Lesbille. Les conseils de maman, le délai est court, tu vas perdre la vie. Fils de pédale, une moire, j'ai les vrais démons autour de moi. Tu me les caches, tu vas perdre la vue. Pervertis le monde par le bif et le vice de la femme et la fierté le pousse à la faute. Pas mauvais de base, en effet, on est fiers de nous, on est droit dans le fond et la forme. On peut sortir le fer pour venger la mort de nos frères, protéger l'honneur de nos sœurs. À quoi ça nous sert? Je suis vengé, je retrouve le sommeil, je suis végé, ta fille du soleil. Et ma vie, c'est trop dur, ces vices de procédure, ces ventes de stupé, ces ventes de CD, ces franges condamnées. Des amis, des CD, ces scènes de ciné, des salopes à signer. J'ai fait mon label et mon salaud, j'ai signé. J'assure à maman ses 30 ans de salaire. 24 années, j'ai fait 20 ans de salade, 20 ans de hala, 20 ans de galère. Bourré en ville dans un 4 roues motrices, rien à foutre qu'il nous vend comme le pire des hommes. Mesurer la peine de mon père et la peur de ma mère, déprimé quand son fils le déçoit. Tandis que tu veux, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai bu ce que j'ai pu. J'ai aimé une femme de la plus belle des flammes et pourtant je l'ai traitée comme la dernière des putes. Je me suis pas régalé, j'ai misé sur le bon cheval, chargé la mule. T'es bien mon franchin, je pourrais sortir l'engin. Pourtant quand je te parle, ben je parle à un mur. J'en ai gros sur le cœur, salope fais-toi bonne. Sur le dos j'en ai des tonnes. Ils en parlent, ils font des plans. Moi je ressors un album, bom. Il faut les fêler mais je suis pas tout seul. Là je suis à deux doigts, il faut pas me pousser. Fais-toi michetonner par ta petite pute. Je pars à Dubaï avec ma petite sœur. On a assumé dans le sale, dans le sale, dans le sud. On est les seuls, pas de ciné, on les soumet. Hallucinant que des suceurs et des sous-merdes. Je connais le début et la fin, j'ai le stylo. J'ai la cali, j'ai le ralice et la misaine. J'en ai parlé parce que j'ai vécu la misère. Et l'opinion, j'ai l'opinel. J'ai le calibre et le gabus et les sirettes.